t'aimer en CDD, que je serai ton amant à plein temps. Je te prêterai mes secrets, mort dans la vie à plein temps. Mais ne te fais pas d'illusion, il n'est pas de passion. Chant, c'est des